Here, pour toutes les ladies, FRG de 009. Ok. Yeah. Yeah. J'attends toujours le moment pour répondre qu'une fille m'appelle. D'où vient ma vie, c'est éternellement pas du ciel. Lui raconter mon enfance, une absence tous les jours. Comment expliquer le silence qui m'entoure? Je vous dirai simplement qu'à part ça tout va bien. Qu'à part d'une femme, je ne manque de rien. Vous savez, elle voudrait la prunelle de mes yeux. J'aimerais bien discuter avec elle, pour elle. Je suis prêt à tout sacrifier. Pour tout l'or de mon cœur, elle serait comme de ma famille. Un signe, un geste, ça me ferait déjà plaisir. Alors n'imagine pas ce que ça représenterait pour moi. Car je vis dans un autre monde, je m'accroche tous les jours. Je briserai la misère qui m'entoure. J'ai trop besoin d'une femme qui vit dans mon cœur, qui vient de mon cœur. Même si je vis des fois dans la galère, je lui raconterai mes problèmes et maladresses tous les jours. Car sa présence de la voir elle, c'est ce que j'attends. Je pourrais vivre loin de toi, mais tu resteras ma femme. Si tu as un problème, je te protégerai. Je ne sais même pas comment te l'expliquer, c'est de l'amour que je te porterai. Va pas t'imaginer, je t'aime du fond du cœur, du moins c'est ce que je te dirai. Ce serait un grand bonheur pour moi. Grâce à Dieu, j'ai trop besoin de tendresse, de quelqu'un que j'aime bien. Si ce ne serait que toi qui pourrais être ma femme. Je ne suis pas le plus intelligent ni parfait, mais juste moi. Je sais aussi que je ne suis pas le seul à avoir un cœur. Pour l'amour, je te porterai comme d'un lover à une petite fleur. Je sais juste qu'on est deux êtres et que je t'aimerai. Tu sais, plein de questions que je me pose. Parce que l'amour, j'ai l'impression qu'elle me fuit ou elle me laisse une pause. Est-ce que je dois me dire attention? Car j'en ai marre de courir derrière ce qui me fait souffrir. Une fille, un amour. J'y voudrais bien un jour retrouver ce bonheur pour effacer mes malheurs. Car pour l'instant, rien qu'en y pensant, ma vie est banale et j'en ai que 22. Alors faut me dire et me décrire comment retrouver la perle rare. Cette fille unique à mon cœur et si chère à mon âme. Bien sûr, cette fille serait aussi précieuse que ma famille. Ce serait le cœur de l'océan. Pour elle, je serais plus grand. Alors faudrait comprendre et aussi apprendre. Une fille ce n'est point un objet mais un être de l'humanité. Comme toi et moi. Alors je lui dis quoi? Que je voudrais lui dire je t'aime et vivre avec elle. Mais c'est dur car après cette cassure avec mon ex, qui maintenant mon cœur chasse, la perle rare qui pourrait m'aimer. Si ce n'est que toi que je peux aimer. Une musique en rime, c'est comme un poème en rime. Il n'y a rien que plus beau qu'un cœur nouveau qui impose sa présence. Car pour l'instant on ne trouve que le silence. Comment te faire comprendre et comment puis-je t'apprendre? Si ce n'est qu'à l'unisson et là nous ferions seulement qu'un être. Car pour l'instant on est deux êtres. Mais comment vivre le moment où le temps peut-être viendra et j'espère ne se finira pas. Car bébé avec toi ce serait l'infini. Car pour toi et moi je suis dans l'oubli. Alors fais-moi comprendre qu'un jour je puisse te prendre ton cœur dans le mien, en s'enlaçant dans un câlin. Dis-moi c'est ce que je voudrais. Alors dis-moi seulement un je t'aime. Et comment on pourrait commencer à se connaître vraiment, afin que je puisse t'aimer et te chérir à souhait. Je serai le seul qui te prendrait pas pour une conne. Mais ainsi est la vie, où j'attends que tu sonnes à la porte de mon cœur, pour oublier mes malheurs, pour connaître le bonheur. Alors fais-moi apprendre pour enfin comprendre que l'amour n'est pas si simple, comme on dirait tout simple. Je suis pas prêt à te lâcher, mais plutôt à t'aimer. Comme tu l'as déjà deviné, je ne peux oublier. C'est pour ça que d'être triste dans mon cœur, c'est pour ça qu'être lover, c'est pour ça que pour toi ma petite fleur, je ne cesserai de penser à ça. Je ne cesserai de penser à toi. Car je suis triste. Triste de me retrouver seul. Triste d'être seul.